chanteur, le chanteur moisi, Mathias, son domaine, ce sont les discours. Mathias, sur la terre, il est l'homme maladroit. Mathias, dans le ciel, c'est lui qui j'appoudre. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Chanteur ou héros, il change de peau. Quand de l'espace vient la menace, il reste au lit. Même ses amis, il s'en bat. Mathias, le chanteur moisi. Mathias, son domaine, c'est les boîtes de nœuds. Mathias, sur la terre, il est coiré fléma. Mathias, dans le ciel, il fait peur aux canards. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Les sbires du chaos ont bien compris que lui vivant, ils seront gagnants, et ils se moquent, et ils se gossent de lui. Comme une racaille, il livre bataille, à coups de cutter, il défend son frère. Seul contre tous, il crie pousse au secours. Mathias, le chanteur moisi. Mathias, son domaine, ce sont les mises en bille. Sur la terre, il est faible et minable. Mathias, dans le ciel, il est juste pitoyable. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Les comme un bout, il se bat tout mou. Vrai passe-muraille, il court, il détale. Vif comme un verre, un lampadaire, il se croûte. De son micro, il fait un lasso. Comme Wonder Woman, dont il est fan. Pour nous sauver, il pourrait payer son brushing. Mathias, le chanteur moisi. Mathias, sur la terre, il est l'homme maladroit. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Mathias, le chanteur moisi. Mathias, sur la terre, il est quoi réfléma. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Le chanteur moisi. Mathias, sur la terre, il est faible et minable. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège. Mathias, le chanteur moisi. Mathias, sur la terre, il est lent maladroit. Mathias, ce qui craint, c'est s'il nous protège.